souviens d'elle quand m'y regarde. Fais penser à moi la vie, moi la connue. M'y vois son visage quand m'y regarde à où. Et les yeux au couvent et pas toutes vos histoires. J'arrive à nous. C'est pour ça que m'y peut pas sortir sans mot. Quand m'y pense qu'elle était la seule pour moi. Jusqu'à ce que m'y réalise qu'elle tirait trop loin. Elle t'échappe toute bonne gage, sauf moi. C'est pour ça que de nous deux m'a pas besoin. Fais penser à moi la vie, moi la connue. N'y vois son visage comme m'y garde à où. Et les yeux au cou pour éteindre toute bonne histoire. Clarive à nous. C'est pour ça que m'y peut pas sortir sans nous. Que les trois. C'est pour ça que m'y peut pas sortir sans mot. C'est pour ça que m'y peut pas sortir sans mot. C'est pour ça que m'y peut pas sortir sans mot. Vous faites penser à moi la fille, moi la connue. M'y voit son visage comme m'y. Ça métisse sur la première, il est 10h. France Info. Et l'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Trump et Clinton, enfin sur le même ring. Premier débat télévisé ce soir entre les deux candidats à la Maison-Blanche. François Hollande en visite à Calais, mais sans passer par la jungle. C'est la première fois qu'il s'y rend depuis qu'il est président. Les médecins en grève dans les hôpitaux pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. D'ailleurs, le métier n'attire plus les jeunes. Et cette pénurie coûte une fortune, car il faut embaucher des intérimaires payés très cher. 3 km d'asphalte rendus aux piétons pour lutter contre la pollution. Le Conseil de Paris doit voter aujourd'hui la fermeture aux voitures d'une partie des quais de Seine. France Info. Un record d'audience attendu la nuit prochaine aux États-Unis. La chaîne NBC espère 100 millions de téléspectateurs pour le premier débat de la présidentielle américaine. Jamais l'Amérique ne s'est autant passionnée pour un tel événement. Hillary Clinton et Donald Trump devraient faire mieux que Reagan et Carter en 1980. Pas de notes, pas de fiches, pas de téléphone portable. Les deux candidats devront répondre aux questions du journaliste sans antisèche. Et ils abordent cette confrontation de façon bien différente. Frédéric Carbone. L'étudiante qui ne fait aucune impasse d'un côté, le dilettante sûr de lui de l'autre, voilà de quelle manière les deux candidats ont préparé ce débat crucial. Pendant qu'Hillary Clinton est enfermée depuis une semaine ou presque avec son équipe, Donald Trump met donc en scène sa différence. Il lance un appel à ses électeurs pour qu'ils lui donnent des idées, et ses supporters n'ont aucun doute. Voici l'acteur John Voight, une des rares vedettes d'Hollywood, à soutenir Trump. I think it'd be just fine. He has complete tout va bien se passer. Il a de l'aplomb, il ne se soucie de rien, il ne se laisse pas gagner par le stress, il a confiance, il est sûr de lui, et ça c'est le plus important pour un débat. L'entourage de Donald Trump a quand même visionné tous les débats auxquels Hillary Clinton a participé pour repérer les moments de faiblesse. Quant à la candidate démocrate, elle a effectué plusieurs faux débats avec un faux Trump, en l'occurrence un de ses conseillers. Et son amie Lisa Muscatine la voit comme un picador dans l'arène autour du taureau. She gets under his skin. She says something. Si elle le provoque habilement avec son caractère d'adolescent indiscipliné, il peut dire n'importe quoi et cela peut lui coûter cher. C'est en fait la stratégie anti-Trump depuis le début, espérer la faute. Il en a commis beaucoup jusqu'à présent, mais aucune n'a été fatale. New York, Frédéric Arbonne, France Info. Et débute ce débat la nuit prochaine à 3h. Les rebelles d'Alep sous un déluge de bombes depuis 3 jours. L'armée syrienne a lancé une offensive pour reconquérir cette ville. Les raids aériens ont fait plus de 100 morts. Les hôpitaux sont débordés. L'eau commence à manquer car la station de pompage a été touchée. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier soir à New York. La Colombie vit un moment historique. La paix doit être officiellement signée aujourd'hui entre la guérilla des FARC et le gouvernement. La population se prononcera ensuite par référendum dimanche prochain. François Hollande est sur le point d'arriver à Calais. Le chef de l'État doit poser la première pierre des travaux d'agrandissement du port. Mais c'est bel et bien le dossier des migrants qui est au cœur de cette visite. Un dossier qui est aussi au cœur de la campagne électorale à 7 mois de la présidentielle. Louise Baudet, la visite va bientôt commencer et c'est peu dire qu'elle est très attendue. Effectivement, le signe ne trompe pas. Nous sommes extrêmement nombreux ici à attendre le chef de l'État. Près d'une centaine de journalistes contre une vingtaine habituellement pour les déplacements présidentiels en France. Intérêt médiatique soutenu donc. Qu'en est-il ici? Eh bien, les forces de l'ordre devant lesquelles François Hollande va s'exprimer ce matin attendent bien sûr des moyens pour sécuriser la rocade et l'A16 régulièrement en prise d'assaut par des migrants qui cherchent à couper la circulation pour monter dans des camions. Attente aussi des commerçants calaisiens dont l'activité économique est altérée. Quant aux associations de soutien aux migrants, elles rencontreront bien sûr le président ce matin, mais certaines sont surtout déjà lassées du ballet politique qui s'est engagé à 7 mois de la présidentielle. Vous le savez, Nicolas Sarkozy était à Calais la semaine dernière. Pas d'étape dans la jungle, ni pour lui, ni pour le président, mais c'est bien là le seul point commun de leur visite. Côté discours, c'est évidemment le jour et la nuit. François Hollande veut s'expliquer sur l'ouverture d'hébergements ailleurs en France pour désengorger Calais et démanteler la jungle avant l'hiver, s'expliquer, mais aussi cliver à l'Elysée. On tape ouvertement sur la droite, 1 million de migrants en Allemagne, 9 000 en France, et pourtant le débat public est totalement hystérisé, dit-on. Il est pourtant possible de faire appel à la raison des gens, c'est ce qui fait la différence entre une démocratie et un régime populiste. Louise Baudet, en direct de Calais pour France Info, avec Laurent Lucas pour les moyens techniques. Ils sont anesthésistes, gynécologues, psychiatres, ils ont choisi de travailler dans le service public à l'hôpital, et ils sont en grève. Aujourd'hui, les deux syndicats de médecins à l'origine de cette mobilisation promettent un mouvement très suivi car la colère est grande, les salaires sont trop faibles à leurs yeux et les conditions de travail se sont détériorées. Max-André Dopia est le président du syndicat Avenir Hospitalier qui représente environ 25% des praticiens. Et ce qui l'inquiète, c'est que les étudiants en médecine fuient l'hôpital public. Il y a effectivement un problème d'attractivité très important dans les hôpitaux publics français. C'est-à-dire qu'un établissement, peut-être même des CHU, ont jusqu'à 30 à 40% de postes vacants. C'est-à-dire qu'ils sont publiés, ouverts, et personne ne postule dessus. Comment font-ils pour tourner? Ils ont recours à l'intérim médical. Des praticiens qui viennent et qui font une pige d'une journée ou une semaine, payés beaucoup plus cher que de jeunes praticiens qu'on pourrait engager. On demande que les salaires soient augmentés pour permettre aux jeunes de ne pas fuir dans le secteur privé dès qu'ils finissent leurs études. Et deuxième point, que les jeunes, comme les plus vieux d'ailleurs, soient reconnus dans leur durée de travail de manière effective, c'est-à-dire que nous ne soyons pas sans arrêt à la mine, uniquement dans la production d'actes tarifants pour financer l'hôpital. Max-André Dopia, président du syndicat Avenir Hospitalier. Le PDG d'Alstom face au syndicat, ce sera leur premier face-à-face depuis l'annonce de la fermeture de l'usine de production de Belfort. La rencontre aura lieu cet après-midi lors d'un comité central d'entreprise extraordinaire. 2 gardiens blessés hier soir au centre pénitentiaire de Valence dans la Drôme. Des détenus ont volé un jeu de clés à un surveillant et ils ont refusé de regagner leur cellule pendant quelques heures. Le calme est revenu vers 22h. Anne Hidalgo veut encore limiter les voitures dans Paris. La maire de la capitale souhaite piétonniser un axe central de la ville, la voie rapide qui longe la Seine sur la rive droite. 3 km 300 de route empruntée chaque jour par 43 000 automobilistes. Le Conseil de Paris va commencer en débattre ce matin. La droite est très critique, mais Anne Hidalgo explique que c'est une question de santé. Qu'en disent les experts à Norbaral? Est-ce que ça va vraiment faire baisser la pollution? Depuis la fermeture de cet axe, les automobilistes voient leur temps de trajet pour traverser Paris rallongé de 10 à 30 minutes selon les situations. Du coup, ils vont chercher des chemins de traverse, comme l'explique Sébastien Vray de l'association Respire. La fermeture des voies sur berge, rive droite à Paris, elle va entraîner un report de circulation. Elle va créer un peu de bouchons sur d'autres axes, oui. Plus de voitures, c'est de la pollution. Dans un premier temps, l'effet sera donc nul sur la pollution. Elle devrait même augmenter sur les autres axes qui permettent de traverser Paris. Mais ensuite, il y aura ce que l'on appelle l'évaporation du trafic. Certains préféreront prendre le métro ou le vélo. Enfin, d'autres préféreront carrément changer leurs habitudes, comme l'explique Frédéric Errant, spécialiste de la mobilité à l'Université de Lille. Ils vont reconsidérer leurs déplacements, c'est-à-dire renoncer à certains déplacements, aller moins loin, faire des boucles de déplacement plutôt que des trajets directs, rentabiliser, si vous voulez, leurs déplacements, et le total va aboutir à ce qu'on appelle du trafic évaporé. Là, l'effet sera plus positif sur la pollution, mais la préfecture de police n'a autorisé que pour 6 mois cette expérimentation. Si les conditions météo s'en mêlent, pas sûr que cela ait le temps d'agir. Et le Conseil de Paris doit se prononcer aussi sur une proposition de 3 élus écologistes. Ils veulent réserver un espace en plein air aux naturistes, un bout de parc où se promener dans le plus simple appareil, comme il en existe déjà dans des grandes villes comme Munich, Barcelone ou Berlin. L'Olympique de Marseille se relance contre Nantes, victoire 2-1 à domicile hier soir en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Un résultat qui permet à l'OM de remonter à la 13e place. En tête du classement, on retrouve Nice qui a battu Nancy 1-0. De son côté, Saint-Etienne a dominé Lille 3-1. Les trois perdants d'hier, Nantes, Nancy et Lille, sont les 3 derniers du championnat. Mathilde Munoz pour les infos. Merci beaucoup, à tout à l'heure, 8h30. Bonjour à tous, vous écoutez Réunion Première, il est 10h08. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Un matin sous le soleil et un après-midi sous les nuages, particulièrement dans les hauts, idem dans les circéo-volcans. Et selon les prévisionnistes de Météo France, de petites averses isolées pourraient arroser un peu les montagnes du nord et de l'ouest, voire jusque sur la côte. Il continuera de faire beau sur les lagons de Saint-Gilles et de Saint-Pierre. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Dans la 4e pour le prix de Clermont-Ferrand, les pronostics donc hier, il fallait trouver plutôt le tiercé, le quintet plus gagnant, le 15, le 10, le 12, le 6 et le 8, le 15, le 10, le 12, le 6 et le 8, le numéro plus le 14,81. Aujourd'hui dans la tirelire, 5 750 000 €. Dans la 2e pour le prix Communauté des communes, voici les pronostics du winner du GIR, le 14, le 7, l'As, le 13, le 6, le 2, le 3 et le 11, 14, 7, As, 13, 6, 2, 3 et le 11. Au menu de votre émission de service Les Experts, votre contrat d'assurance, auto, moto et on pourrait aller jusqu'à la maison, c'est possible. Et pour répondre à toutes vos questions, Isabelle Pongérard, James Suet, ils sont nos experts. Un seul numéro de téléphone pour les avoir en direct, le 02 62 99 2000. Et puis par SMS au 06 92 70 2000. Comment choisir son contrat d'assurance? Peut-on le résilier à tout moment? Une compagnie a-t-elle le droit de radier un de ses assurés? Quelles sont les démarches à faire pour s'assurer? Pourquoi les prix varient-ils d'une compagnie à l'autre? Et puis quels sont les droits de l'assuré, les devoirs de l'assureur? Que signifie la franchise? Est-elle vraiment nécessaire? Et puis alors surtout, combien ça coûte d'assurer sa moto sur le département? 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Les experts en assurance sont sur Réunion Première jusqu'à 11h30. C'est dans l'actu avec Philippe Dorni. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous, on est là de l'argent. Mais notre argent est dans la poche d'État. On veut savoir ce qu'on veut à la Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dorni, du lundi au jeudi, dès 12h15, sur Réunion Première. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.regionreunion.com. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Il est 10h15 sur Réunion Première. Isabelle Pont-Gérard, James Huet, vous intervenez au nom du comité des assureurs Réunion Mayotte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être présent pour répondre aux questions des auditeurs sur la première au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. L'assurance auto, moto, on pourra aussi parler de l'assurance habitation. Mais j'aimerais que l'on revienne un instant, s'il vous plaît, les experts sur la franchise. Beaucoup prennent une franchise sans savoir ce qu'est vraiment cette franchise. James Huet, Isabelle Pont-Gérard. La franchise. Bonjour aux auditeurs de James Huet. La franchise est une part qui reste à la charge de l'assuré dès lors qu'il y a une mise en jeu de sa responsabilité. Un accident intervient, il en est responsable. C'est prévu sur son contrat. La franchise, quelque chose qui est de normal. Elle est obligatoire déjà. Elle n'est pas obligatoire. Non, elle n'est pas obligatoire. Certaines compagnies peuvent faire un contrat sans franchise. Oui. À ce moment-là, vous payez plus cher. Donc le contrat, si on ne prend pas la franchise, le contrat d'assurance est beaucoup plus cher, c'est pas ça? Beaucoup plus cher, mais effectivement c'est ce qui fait la différence. On peut modifier selon les compagnies, on peut modifier les montants des franchises et gagner sur la prime. C'est-à-dire qu'on va économiser peut-être l'ordre de 50, peut-être 100 euros, ça dépend du montant de la franchise, sur la prime. Et en cas de sinistre, si on a un événement où il y a une franchise, on a la charge de la franchise en cas de sinistre. Alors comment elle intervient cette franchise? On parle de sinistre, d'accident. La voiture entre au garage pour des réparations, on a la franchise à payer, c'est l'assuré tout risque, c'est ça? Et il y a plusieurs cas de figure. Oui. Donc vous avez la franchise applicable pour l'habitation. Donc un vol intervient, un incendie, donc l'assuré garde à sa charge une franchise qui normalement est modeste parce qu'elle tourne aux alentours entre 125 et 150 euros. La franchise, donc. Mais ça pourrait aller beaucoup plus que ça. Sur les contrats habitation. Voilà. Ouais. Après, c'est l'indice du bâtiment. Ça reste raisonnable au niveau habitation. Sur la voiture. Ah oui, sur la voiture, voilà. Sur le véhicule, il y a une franchise applicable. Dans certains cas, vous avez une franchise bris de glace. Il est mentionné garantie franchise bris de glace. Là aussi, généralement, elle ne dépasse pas 100 euros. Et en cas d'accident responsable, dès lors qu'on est responsable d'un accident ou encore victime d'un acte de vandalisme, la franchise, elle est indiquée au contrat, donc on dit qu'elle est contractuelle, elle est visible. Donc l'assureur en parle à son assuré. Monsieur, en cas d'incendie, en cas de vol, vous avez une franchise de 250 euros. Voilà. Donc c'est quelque chose qui fait partie des discussions avec l'assuré et qui dépend. La franchise est évolutive en fonction également du véhicule. Donc c'était un document très important, une discussion qui est nourrie avec l'assureur et l'assuré. Isabelle Pont-Gérard, ben oui, c'est vrai, parce que parfois l'assureur donc propose des produits, un certain nombre de produits à l'assuré. Celui-ci ne pose pas trop de questions, donc il accepte, et puis au final, ben... Un assuré pose toujours des questions. Je suis un peu choquée par l'assuré ne pose pas de questions parce que les clients maintenant s'interrogent. Vraiment au courant de ce qu'ils ont sur leur contrat. Ils discutent déjà un échange, un contrat. C'est un échange entre le client et le commercial. Et en fonction de ses besoins, ce que je disais la dernière fois, on lui propose une garantie ou une franchise. Donc quand il a un véhicule, en fonction du véhicule, du montant de la prime, si on a un gros véhicule, plus le véhicule est une grosse marque, on va dire, le véhicule, en fonction... Grosse voiture, Oui. Voilà, en fonction des équipements, des options du véhicule, le contrat d'assurance est plus élevé. Et en fonction de cette prime, on peut proposer au client, bah, écoutez, on va vous mettre une franchise en dommage, puisque ça vous fera gagner un certain montant sur la prime. Vous avez une franchise en dommage, une franchise en vol ou une franchise en incendie. Après, optionnellement, vous pouvez avoir une franchise en brise glace. Au final, ça fait beaucoup de franchises. Mais on a une seule franchise. mais pour reprendre ce que disait Isabelle, reprendre ce que disait Isabelle, c'est intéressant. C'est qu'il faut quand même se dire une chose, que l'assuré doit être aussi responsabilisé. C'est-à-dire que si demain, on fait un contrat sans franchise, l'assuré se dirait, écoutez, moi, de toute façon, tous les jeux, j'ai un sinistre, je vois mon assureur, il me paie. Or, non. L'assureur est là également pour avoir un rôle d'effectivement de rôle économique, c'est-à-dire rembourser un préjudice subi, c'est aussi son objectif, mais aussi se rappeler à l'assuré que de toute façon, à un moment donné, s'il déclare trop de sinistres, même sans franchise, son contrat sera résilié. Attention, trop de sinistres entraîne également la résiliation du contrat. Combien de sinistres ? 1, 2, 3. Ça dépend du montant. Certains mis en jeu. Parlent de 3 sinistres, non ? Ça dépend du montant mis en jeu, du client, des catégories de sinistres, si c'est un corporel, pas de corporel. Ça dépend s'il a plusieurs contrats en portefeuille ou pas. Voilà. Souvent, c'est en fonction des conditions de souscription, mais elles ne sont pas appliquées à la lettre. Ça dépend effectivement s'il a plusieurs contrats, la fréquence, etc. Il y a plusieurs enjeux, plusieurs critères. Les experts en assurance sont sur la première. 02 62 99 2000. Mathias, qui vous accueille au standard de la première, et puis par SMS au 06 92 70 2000. Comment choisir son contrat d'assurance, si on peut le résilier à tout moment, et puis est-ce qu'une compagnie a le droit aussi de radier un de ses assurés? Vous réagissez au standard de la première au 02 62 99 2000. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Avant d'aller retrouver sur Saint-Pierre Cédric, nous avons Charles de Saint-Gilles. Bonjour Charles. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va et vous, Charles? Ça va très bien. Avant de commencer, félicitations pour votre émission, c'est très très très bien. Merci à vous, mais j'ai pour habitude de dire que c'est grâce aux experts. Hein. C'est surtout ça. C'est eux qu'il faut remercier. Alors Charles, vous souhaitez parler de l'assurance moto? Oui, j'ai mon fils, il a une moto. Ça fait un bout de temps, sa moto est en panne. Elle voudrait arrêter l'assurance, mais l'assurance ne veut pas. Alors ça, vous n'êtes pas le seul dans ce genre de situation, c'est vrai, on l'a entendu souvent, même quand la voiture ne roule pas parce qu'elle a un problème mécanique, un gros problème. Oui, oui. Et parfois, les compagnies d'assurance disent que c'est pas possible. Je regarde Isabelle Pongérard qui va réagir tout à l'heure. James Huet, vous êtes aussi un peu le spécialiste de l'assurance moto. Oui, oui, en plus je suis motard également. Donc là-dessus, Charles, oui. Est-ce que vous avez remis à votre assureur un justificatif qui dit que la moto n'était pas en état de circuler ? Non, on a dit pas voix orale, quoi. Ah, c'est ouais. Ça la difficulté. On est toujours sur la démonstration de la preuve. Donc vous devez revoir votre assureur et oui. Lui remettre un justificatif, soit d'un garagiste qui dit voilà, la moto de marque temps est immatriculée temps est hors d'usage. Et à ce titre-là, vous pouvez obtenir de votre assureur une suspension des garanties, voire la mise en place de la formule immobilisée. C'est peut-être possible. Oui, oui, oui. Donc, la formule immobilisée. Certains assureurs le proposent dès lors que le véhicule n'est plus en état de circuler. Il faut quand même se dire une chose, c'est que la moto est un véhicule terrestre à moteur soumis à une assurance obligatoire. Donc c'est pour cela que lui en face assureur, il se dit non, écoutez, la moto est immatriculée, elle doit être assurée. Donc, voilà, donc retournez voir votre assureur avec les justificatifs et puis surtout obtenez la formule strict minimum appliquée à votre moto. D'accord, mais on continue de payer, mais l'assurance... Oui, mais vous êtes contenté sur la procédure orale, rappelez-vous, hein, donc un écrit, un justificatif, et le contrat, ça a bien modifié. D'accord. Alors attendez, parce que là, on parlait de la moto, cela s'applique également, Isabelle Panchera, pour la voiture. Oui, à tous les types, que ce soit auto, cette formule moto, immobilisée, là. Par contre, ça dépend des compagnies. Ça dépend des compagnies. Parce que, ça dépend des compagnies. Là. C'est certains contrats, je pense que ça doit être spécifique au contrat motard ou autre. C'est bien la première fois que j'entends parler de la formule immobilisée. L'immobilisation, certains assureurs proposent cette formule pour des personnes qui ont une résidence à La Réunion ou une autre en métropole et qui, 6 mois de l'année, n'utilisent pas la voiture. On maintient les garanties vol, incendie, brise-glace en stationnement. C'est payant, mais d'un coût moindre. Donc cette formule peut être proposée. Donc Charles doit se renseigner auprès de son assureur. Et surtout, Charles, ne pas oublier, c'est que joindre le justificatif et puis surtout regarder la date de reconduction de votre contrat et un mois avant de faire la résiliation des garanties. D'accord. Ça fait combien de temps que vous continuez de payer les mensualités ? Oh, ça fait quelques mois. Mais alors comment ça se fait que vous n'avez pas réagi plus tôt ? À chaque fois, on va à l'assurance, on dit non, on peut pas, monsieur, c'est impossible. Il faut que la moto est... Ça roule plus du tout, quoi. C'est réformé, quoi. Que la moto soit réformée ? Non, je pense qu'il doit y avoir une confusion. En fait, ce qu'on vous demande, c'est une attestation d'un professionnel, c'est-à-dire d'un garagiste, avec le tampon du garagiste qui s'engage en disant « Monsieur Intel est passé chez moi, j'ai vu sa moto, elle est hors d'état d'usage ou elle est immobilisée pendant un certain temps et là, on pourra résilier votre contrat. » Parce qu'un assureur est un professionnel et on ne peut pas vous résilier un contrat d'assurance alors qu'un véhicule, comme une moto ou une voiture, est soumis à obligation d'assurance. Il nous faut absolument un justificatif. Si quelqu'un vous vole votre moto, vous allez me dire oui, elle est en panne, elle est enfermée dans mon garage et finalement on peut la réparer. Quelqu'un vous vole la moto, c'est vous qui êtes responsable en cas de sinistre. Oui. Voilà, bon, c'est pour ça. C'est autant pour vous que pour l'assurance. D'accord. Charles, vous faites donc. Il faut faire un papier, on est bien d'accord. James Huet, Isabelle Pongérard. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Et puis alors après, on reviendra vers vous dans quelques semaines pour voir si vous avez pu, en tout cas, stopper le contrat d'assurance. D'accord. D'accord. Merci Charles. Oui. Bonne journée. Bonne journée, vous aussi, merci. À bientôt sur Réunion Première. Au revoir. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Quels sont les droits de l'assuré, les devoirs de l'assureur? Combien ça coûte d'assurer sa moto? Que faire en cas de vol? Vous réagissez au standard de la première. Cédric de Saint-Pierre. Bonjour Cédric. Bonjour à toute l'équipe de Réunion Première. Merci de m'accueillir, de donner de la parole. Merci à vous. C'est pour votre voiture, c'est ça? Oui, effectivement. Alors, je vous explique, il y a ma femme qui a eu un petit accrochage justement avec un motard. Salutations aux motards qui sont avec vous. Et de ce fait, le véhicule est assuré à mon nom. Et ma femme est assurée en tant que deuxième conducteur. Et en tant qu'accident responsable, il doit avoir une majoration. On remet en cause donc sa bonne conduite en tant que conducteur. Sauf que comme l'assurance est à mon nom, c'est moi qui va bénéficier du malus. Donc c'est comme si qu'on remettait en cause ma bonne conduite. On remet en cause votre bonne conduite. Grosso modo, puisque c'est moi qui bénéficie la majoration, c'est moi qui vais payer en plus. Ouais. Alors que c'était pas moi qui était volant, c'était ma femme. C'était votre femme, oui. L'assurance est à mon nom, mais elle conduisait ma voiture. Oui. Ouais. Et c'est elle qui est responsable de l'accident. Mmh. Donc normalement, on va dire que c'est elle qui devrait bénéficier du malus, de la majoration de 25%. Ouais. L'augmentation là comme c'est à mon nom, donc c'est moi qui vais bénéficier. Donc ce que je trouve dommage un petit peu, on remet en cause ma situation en tant que bon conducteur. C'est pas moi qui ai eu un accident, voilà. Alors, ça me gêne un petit peu. Oui, mais attendez, mais vous avez bien fait d'appeler. Vous avez bien fait d'appeler. Parce qu'avec nous, il y a les experts en assurance. Donc, ils ont toutes les données, là. Ils vont plancher dessus le temps de retrouver Christophe Mahé. Vous restez avec nous, Cédric ? D'accord, merci. Mais on vous donne une réponse précise juste après, d'accord ? D'accord, merci. 02 62 99 2000. On est jusqu'à 11h30 avec les experts en assurance. On parle de votre assurance auto, s'il vous plaît. Votre assurance moto et votre assurance habitation. Je les arde au soleil. Je vois des merveilles. Je marche sur l'eau. Tu me souffles à l'oreille. Que l'amour te réveille. Tout est beau, alors je laisse mon cœur dériver. Mon cœur s'est tourné, car il faut que je te dise, je suis tombé sous le charme à cause de tes mains. Tes mots doux tournent autour de mon âme comme des refrains vaudous. Je suis tombé sous le charme à cause de ton sein sur ma joue. Je crois pas au hasard, le jour comme le soir, tu me tiens chaud. Comme l'ébène et l'ivoire, viens on va s'asseoir au vieux piano. Alors tu laisses ton cœur décider, ton cœur hésiter, mais j'aimerais t'entendre dire. Vous êtes vous aussi tombé sous le charme de Christophe Mahé à l'instant. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Cédric. Alors, oui. Bon, on a bien réfléchi et on a des réponses pour vous, Cédric. Ah, merci. Isabelle Pongérard. Alors, bonjour Cédric. Oui, bonjour. Bonjour, donc j'ai bien écouté votre cas. Et effectivement, pour votre contrat voiture, vous êtes, on va dire, le souscripteur du contrat. Mm-hmm. Vous êtes le conducteur habituel. Et oui. Votre épouse est le second conducteur, on est d'accord ? Exactement, oui. Oh, voilà. Donc, quand vous faites un contrat d'assurance, vous avez une voiture, des conducteurs et un bonus. Mm-hmm. Le bonus est celui du conducteur principal. Le conducteur, oui. Donc voilà. Cédric. Donc, Cédric. Donc Cédric, là, pour oui. Le contrat, on a pris le coefficient, donc le bonus de Cédric. De Cédric. Et en cas de sinistre, quand Cédric demande à ce qu'il y ait d'autres conducteurs sur le contrat, oui. C'est mm-hmm. Le bonus du contrat qui est impacté. Donc là, aujourd'hui, on va prendre un exemple. Si Cédric a 0,50 aujourd'hui, il met d'autres conducteurs, la prime du contrat d'assurance est tarifée en fonction du bonus, donc 0,50. Et les autres conducteurs, s'il y a des jeunes conducteurs ou autre, il y a des majorations. Mais le bonus du contrat, c'est 0,50. Donc si on a un sinistre responsable, que ce soit monsieur, madame ou une autre personne sur le contrat, c'est le bonus du contrat qui est impacté. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, ça vous semble injuste, mais demain, si vous souhaitez ou madame souhaite s'assurer sur un autre contrat avec un relevé d'information, on verra que celui qui a eu le sinistre, c'est madame. D'accord, ok. Et donc, la... donc madame, elle portera son sinistre avec elle sur d'autres contrats. Mais aujourd'hui, le contrat, il y a mais s'il a d'autres voitures, son bonus n'est pas impacté sur les autres véhicules. Ouais. C'est ce véhicule-là, ce contrat... avec madame. Donc, pendant 2 ans, votre contrat sera majoré si vous êtes responsable et votre contrat reviendra un peu à la normale dans le temps. Mmh. Ouais. Que souhaitez-vous faire alors, Cédric, du coup ? Bah, c'est pas trop. Enfin, ce qui est dommage, c'est que bon, pour sa part à elle, elle n'a jamais eu d'accident depuis 8 ans. Et donc, normalement, elle devrait avoir un coefficient, je pense, enfin, si elle était assurée, hein, en dessous de 1. Et elle serait pas, on n'aurait pas eu de majoration de 25% normalement, hein, ce que j'ai lu un petit peu sur, je me suis documenté sur le net. Ah donc, oui. Et puis j'ai lu un petit peu le contrat d'assurance. Et puis bon, ce qui est dommage, c'est que le montant de la majoration, il y a une différence de 300 euros, et c'est le montant des réparations en ce qui concerne sur la moto. Donc entre le choix d'avoir, enfin, soit d'avoir une majoration de 25%, voilà, de près de 300 euros, hein, 270 et quelques. Et c'est le montant du coût de la réparation de la moto. De la moto, donc, oui. Donc, soit je paie directement les réparations de la moto, oui, pas de majoration, non, ou soit je paie la majoration et voilà. Mais bon, c'est à réfléchir, et là, je sais pas. Mais dans mon cas, ce que je trouve dommage, c'est que je paie une assurance et ben, elle joue pas en fin de compte. Enfin, si je fais les réparations... Je comprends tout à fait, c'est un peu la pression que vous avez, là. Isabelle Pongérard. Donc, par contre, si vous décidez de réparer la moto et de ne pas passer par votre assurance, si vous avez déjà fait votre déclaration, ce n'est plus la peine. Laissez faire l'assurance. C'est trop tard, là. À partir du moment où l'assureur est informé d'un sinistre, référencé sur le contrat. Donc là, on ne fait plus de marche arrière. Ils ont déjà fait innover sur le dossier. Ce n'est plus la peine. Ouais. James Huet, pour répondre à Cédric, votre réaction. Alors, c'est vrai que souvent, c'est aussi ça, la discussion que nous avons avec les assurés, c'est l'incompréhension sur la majoration suite à un sinistre, suite à un accident. Sur la majoration. Alors souvent, on se dit, mais en face, il y a très peu de dégâts, c'est juste un optique qui a été abîmé et la majoration reste la même. Ça peut paraître effectivement injuste, mais c'est aussi cela, hein, l'équité. Et dans votre cas, alors c'est très simple, monsieur Cédric, pour l'accident, votre ancien coefficient qui devait être certainement à 0, quelque chose, donc vous le multipliez par un coefficient majorant de 1,25. C'est là la bascule. Après, comme l'a dit Isabelle, dès lors que le constat amiable est signé, le constat, c'est la loi des parties. C'est vous qui avez dit, vous avez signé, c'est elle est contradictoire. Donc, le constat amiable vous engage et engage l'autre également. Donc, une fois que vous l'avez signé, vous l'avez remis à l'assureur, nous n'avons pas à discuter, nous. Nous devons appliquer ce que vous avez retenu lors de l'accident. Et c'est souvent ça aussi l'autre problème, c'est que l'incompréhension sur un accident. Là, on va pas parler d'autre chose parce que Cédric parle également d'un accident pour lequel il n'aurait pas été responsable, mais apparemment c'est tellement dû à la mauvaise rédaction d'un constat amiable. Donc c'est très important le constat amiable d'accident. Et souvent, on voit dans les agences des personnes arrivées qui nous donnent le constat amiable. Maintenant, je vous explique. voilà, ça s'est produit à tel endroit, il y avait un stop, et on prend le constat amiable. Ce n'est pas ce qui est. C'est pas du tout ce qui est dit. Écrit, alors, ni non plus dessiné aussi. Exactement, voilà. Exactement. Et donc l'assuré là ne comprend plus, alors que il faut retenir une chose, c'est que le document, le constat amiable est un document contradictoire qui engage les parties, donc qui lie l'assureur. Donc nous, on n'a pas à interpréter, on ne fait que lire le constat amiable. C'est très important. Il doit être clair, quoi. Le constat doit être clair. Exactement. Et souvent, on est pris par l'émotion, on a du mal, on est paniqué, on ne sait pas ce qu'il faut faire, surtout qu'il y a un motard. Le constat, il est bien fait. Donc, on n'a pas eu de souci en ce qui concerne la rédaction du contrat. Voilà. Donc, Isabelle. En lui-même. Voilà. Isabelle a expliqué également. Hein, c'est-à-dire que, monsieur, il n'y a pas de mise en cause. C'est que l'assureur ne vous montre pas du doigt hein, comme un mauvais conducteur. C'est vrai que là-dessus... En quelque sorte, je perçois un petit peu comme ça. Non. Voilà. Non, pas du tout. Comme une certaine injustice, en fin de compte. C'est le sentiment que vous avez. Mais écoutez bien nos experts, ils vous disent le contraire. Donc, ils sont eux-mêmes assureurs. Donc, Peu importe le montant des réparations, comme disait James, hein, c'est un taux qui est appliqué. Vous avez un sinistre 100% responsable, vous avez un coefficient qui est appliqué, un sinistre 50% responsable, un autre coefficient. Ça n'a rien à voir avec le montant des réparations engagées. D'accord, Cédric. Ok. Alors, bon, ça veut dire que, alors, dans deux mois, on sera en 2 mois, on sera en 2017. Ça veut dire que son assurance pour l'année prochaine va connaître une augmentation. Tout dépend si quel est son bonus. Si vous avez 0,50 depuis plus de 3 ans, que vous n'avez jamais eu de sinistre, etc., votre prix n'est pas majoré. Donc, il faut voir son cas précis, voir quel est le coefficient qui était sur. S'il disait tout à l'heure, il a fait des recherches où on n'est pas majoré, c'est de ça qu'il parlait. Des 0,50 pendant plus de 3 ans. Mais il faut voir quel était le bonus du contrat au moment du sinistre. Voilà, Cédric. Oui, mais bon. Mais si vous vous sentez perdu, il faut partir auprès de votre assureur. Hein. Il ne faut pas hésiter et repartir voir votre conseiller pour en parler. En plus, ça, c'est ce qu'on m'a dit, c'est de me déplacer directement en agence. Bien parce sûr. C'est difficile de les avoir au téléphone. C'est plus facile de vous avoir à Réunion Première que Oh, alors là, ça, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. James Huet. James Huet. James Huet et Isabelle Bongera, vous intervenez au nom du comité des assureurs. S'il vous plaît, il dit qu'il a du mal à joindre sa compagnie d'assurance. Ah, bah écoutez, peut-être qu'il faudrait... Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour Cédric ? C'est à quoi qu'on doit venir sur Réunion Première pour vous avoir en ligne, non ? Ils sont victimes de leur succès, hein, ça veut dire que ça marche bien. Cédric, après je peux comprendre. Cédric, je peux comprendre aussi les conseillers. C'est vrai que souvent, il y a tellement d'activités et c'est vrai qu'il faut surtout que vous soyez rassurés, que l'explication qu'on vous a donnée, elle est cohérente. Une fois que vous avez ces éléments-là en tête, vous dites, ok, ben c'est comme ça que j'aurais été dans la compagnie X, Y, peu importe. C'est la même logique. Soyez rassurés, convaincus qu'il n'y a pas eu d'erreur commise par votre assureur. D'accord, Cédric. Juste pour conclure, grosso modo, moi j'ai une assurance tout risque. Normalement, en principe, n'importe quel conducteur, du moment qu'il a son permis, peut conduire mon véhicule. Et ce que je trouve dommage, finalement, c'est que n'importe quel conducteur qui prend mon véhicule, si la personne a un accident, il y aura un impact sur mon assurance. Sur votre contrat d'assurance. C'est normal, vous êtes responsable de votre contrat d'assurance, vous êtes responsable de votre voiture, vous pouvez la prêter à qui vous voulez, mais il faut quand même réfléchir à la personne à qui vous prêtez votre véhicule. Il faut vous assurer qu'il ait son permis, qu'il ait un apprentissage de conduite. Il faut un minimum quand même de responsabilité. Ouais. Voilà, Cédric. En tous les cas, je vous remercie. La réponse a été claire et précise. Donc, Merci aux experts, surtout. Au revoir. À très bientôt. Merci à vous et bonne continuation. Merci, Cédric. Merci, au revoir. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Jean de Saint-Louis. Bonjour, Jean. Oui, bonjour tout le monde, je suis bientôt. Bonjour Jean. Bonjour. Alors Jean, qu'est-ce qui se passe ? Une question. J'ai une moto, j'ai un gros souci de bas de vitesse et j'ai déposé chez un professionnel, une casse chez un professionnel normalement. Oui, oui. Bon, il me dit, ça revient trop cher pour réparer. Oui. Je vais à mon assurance pour arrêter, il me dit non, on ne peut pas arrêter. Il faut continuer le contrat. Est-ce que c'est normal? Qu'on ne peut pas arrêter le contrat d'assurance, c'est ça? Oui. Je dis bon, on prend d'arrêter, de suspendre ou bien de résilier. Le temps que j'ai les moyens d'acheter une même moto. D'accord. Donc là, votre moto est accidentée? Non. J'ai une casse de boîte de vitesse. Ah, une casse de boîte de vitesse. D'accord. Je me suis démonté. Ah oui. Donc là, le temps que la réparation se fasse, etc., ça risque de prendre. Voilà. Donc en clair, vous voulez changer de moto? Non. J'ai pas moyen d'acheter. Le professionnel m'a dit c'est trop cher pour réparer. Voilà, c'est trop cher pour réparer. Donc, Pas la peine de réparer. Moi, j'ai dit, je vais pas réparer. Je vais laisser en pièces. Et si je trouve une même moto, je rachète une même moto pour avoir des pièces. Ouais. Je vais sur mon assurance pour arrêter le contrat ou bien même pour résilier. Oui. Sinon, il faut attendre la date anniversaire l'année prochaine. Il faut attendre la date anniversaire de l'année prochaine. Ouais. Pour suspendre le contrat d'assurance, c'est ça? Voilà. Ouais. James Suet, Isabelle Pangérard, oui. Oui, Jean, c'est bonjour. C'est bonjour. D'ailleurs, c'est la même interrogation qu'on avait eue tout à l'heure avec l'autre auditeur, à savoir, peut-on suspendre les garanties dès lors que le véhicule n'est plus en mesure de circuler? Et en l'espèce, votre moto est victime d'une casse de boîte de vitesse et que le professionnel vous a déconseillé de réparer la moto. Je pense que c'est un professionnel avant tout, il est tenu de réparer. Enfin, je pense que s'il veut. Ça revient trop cher pour réparer. La réparation coûterait trop cher. Alors, c'est aussi l'interrogation qu'on avait tout à l'heure, à savoir que certains assureurs acceptent la mise en usage mobilisé ou suspendre dès lors que vous présentez une attestation du professionnel certifiant que la moto est en usage. Ça, c'est un document que vous devez présenter. Alors, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, hein, certains assureurs, eux, n'appliquent pas la suspension, l'immobilisation des garanties. Donc, chaque compagnie a sa politique tarifaire en la matière. Et moi, ce que je peux vous conseiller, si vous êtes garanti sur une tour risque ou des garanties plus élevées, c'est de les réduire au minimum avec votre assureur et d'être vigilant sur la reconduction pour ainsi mettre en place la résiliation. Mais apparemment, vous, c'est un changement de moto qui va se faire d'ici peu, si j'ai bien compris, hein. Oui, d'ici 2 mois ou 3 mois maximum. Justement, je pense que votre conseiller, il vous a proposé de garder votre contrat, parce que une suspension de contrat pour 2 ou 3 mois, ça sert à rien, parce que vous allez perdre par rapport à votre bonus. C'est-à-dire que si vous allez faire l'acquisition d'une moto très bientôt, vous allez avoir une interruption de garantie. Une interruption de garantie consiste en un gel du bonus. Donc, pour 2 ou 3 mois, c'est pas ça qui va changer la prime de votre contrat. Autant patienter et faire votre transfert sur la nouvelle moto après. Et vous allez garder votre bonus. Parce que là, à chaque fois, si vous avez à chaque fois un souci de panne, etc., vous faites une suspension, vous arrêtez votre contrat, vous repartez, vous n'allez jamais vous constituer un historique au niveau de votre bonus. Et ça, là, j'aurai 4 mois, par exemple, si je prends pas le moto, j'aurai 4 mois que je paye une assurance que je ne roule pas. Mais vous pouvez résilier, c'est-à-dire si vous avez une attestation. Parce que là, vous êtes allé à une casse pour acheter une pièce. On est d'accord? Non. J'étais là. Une casse, j'ai trouvé quelqu'un qui faisait le moins cher pour démonter ma moto. D'accord. Parce que il m'a demandé 1000 euros pour démonter. D'accord. Et bon, j'ai jeté sur le moins cher. Le professionnel, il a démonté, il m'a dit, ça revient trop cher pour réparer. Vu que l'intérieur est bousillé, parce que c'est une moto qu'il faut changer le bloc moteur et la boîte, c'est le même bloc. Alors, en fait, on est dans le schéma. Techniquement, c'est réparable, mais financièrement, c'est... C'est trop élevé, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Jean qui a du mal, effectivement, à choisir. Mais l'assurance ne peut pas dire, d'essayer de vendre la moto en pièces, dans l'état, et de fournir un certificat de vente. Jean, ça peut être aussi une bonne solution, ça. C'est-à-dire, de toute façon, cette moto, il faudrait bien s'en débarrasser. Dans ces conditions, je préfère garder de chercher un même modèle, comme ça j'ai des pièces, parce que c'est seulement... Oui, comme il va à la perte, il préfère garder sa moto, et puis... Pour avoir des pièces. La totalité des pales, 500 euros, une moto qui roule 400 000 euros. Je peux comprendre, oui. Jean, comme nous l'avons dit, et comme Isabelle aussi l'a précisé, c'est que là, il faudrait que vous puissiez fournir une attestation d'un professionnel, pas seulement d'une casse qui dit que d'un garagiste qui dit que la moto est hors d'usage, et à ce moment-là, revenir avec ce document auprès de votre assureur afin que de demander la suspension des garanties, voire la possibilité de résilier. Et puis, si dans 3-4 mois, vous achetez une nouvelle moto, à ce moment-là, vous pourrez ainsi remettre en place un nouveau contrat. Donc, c'est fournir automatiquement un justificatif. Hein. Ce n'est pas seulement se dire, j'ai vu mon assureur, j'ai dit que ma moto ne roule plus. Et l'assureur a dit, on ne peut rien faire pour vous. Tant que vous n'avez pas donné justificatif, ben, écoutez, l'assureur aura du mal à se prononcer sur le maintien ou pas de vos garanties, monsieur. Le justificatif de la casse, ça n'a pas de valeur. Non, faut, une casse, c'est pas nécessaire. Une casse, ils vendent des pièces, ouais. Il ne fait pas de réparation. Voilà, il faut que vous alliez au garage le plus proche de votre domicile. Vous allez au garagiste de votre quartier, vous, comme ça il peut se déplacer jusqu'à chez vous, parce que souvent vous ne pouvez pas emmener votre véhicule, parce qu'il ne roule pas. Donc il se déplace chez vous et à titre commercial, il vous fait une attestation avec le tampon, le papier en tête du garage. D'accord, Jean, vous faites ça d'abord. D'accord. Merci bien. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Jean. Isabelle Pongérard, James Huette répond à toutes vos questions sur l'assurance, auto, moto, mais aussi habitation. Comment choisir le contrat? Est-ce qu'on peut résilier ce contrat d'assurance à tout moment? Les démarches à faire pour s'assurer? Les prix, pourquoi ces prix varient d'une compagnie à l'autre? On en parle sur la première, également par SMS au 06 92 70 2000. Yeah 13h-14h, tous en première avec Ingrid. Le zapping de la radio à 13h20, votre rubrique Connect Première. L'interview de l'invité de la matinale en rediffusion, ce sera à 13h30. Notre projet de loi sur l'égalité réelle fait l'objet d'une consultation. Tous en première avec Ingrid, du lundi au vendredi, de 12h45 à 14h sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Pour moi, on va plus loin. ce qui définit de nous, nous créations, nous la musique, nous pays. Ah pour moi, la peuple gaïa ça pourtant, tout au bout de nos qualités, nous culture. Enfants îlois, nous costés, partagés, nous l'amour, nous l'amitié et nous l'équerre. Aux enfants zilois sur la première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Les experts en assurance, Isabelle Pont-Gérard et également présent James Huette. Ils interviennent au nom du comité des assureurs Réunion Mayotte. Ils sont à votre écoute jusqu'à 11h30. Les questions en direct au 02 62 99 2000. S'il vous plaît, les experts en assurance, un mot sur ces compagnies qui ont le droit de radier. C'est, bon, je le dis peut-être un peu crûment, mais on peut employer un autre mot, un autre nom. Mais voilà, les compagnies ont le droit d'exclure aussi, entre guillemets, donc un assuré. Là bien sûr, oui. Hein? On est dans un domaine contractuel. C'est légal, ça. C'est contractuel. C'est contractuel. Il est prévu dans votre contrat la possibilité des deux parties, hein, l'assuré et l'assureur, de résilier le contrat. L'assuré, où on a vu ensemble toutes les dispositions qui ont été mises en place, les lois Châtel, également à l'échéance de reconduction. Et pour l'assureur, c'est en cas de sinistralité, donc c'est-à-dire à une fréquence d'accident trop importante. Et là, les textes sont beaucoup plus rigides envers l'assureur, c'est-à-dire qu'il est imposé un délai, c'est-à-dire qui peut être de 3 voire 2 mois avant la date de reconduction. En recommandé avec accusé de réception, l'assureur informe son assuré le contrat sera résilié. On peut également parler de la résiliation, mais on peut également parler d'autres éléments, à savoir suppression, doublement de la franchise, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence de sinistre importante. Écoutez, monsieur, vous avez une franchise de 300 euros, on vous la double, la franchise, on passe à 600 euros, ou éventuellement une surprime, c'est-à-dire qu'on accorde pendant un an ou deux ans une surprime au contrat. Lors de la négociation du contrat, le tarif a été revu à la baisse parce qu'on lui a accordé un correctif commercial. S'il a une fréquence sinistre trop élevée, on peut dire, écoutez, à l'échéance, on va faire sauter le correctif commercial et lui appliquer la prime pure avec effectivement les franchises ou autres. Alors après, c'est vrai que certains conducteurs le prennent mal en étant un petit peu, ils ont l'impression d'être des vilains petits canards, de mauvais conducteurs, James Hewitt. C'est ce qu'a dit un auditeur tout à l'heure. C'est le ressenti. Alors on est ressenti. Non, il faut se rappeler qu'on est sur une partie vraiment contractuelle. C'est un contrat de gré à gré entre un assuré et un assureur. Et donc à un moment donné, il y a des règles qui doivent être appliquées à l'assuré de s'en tenir à ces règles et à l'assureur également. Donc, il faut sortir de cette logique de victime. Non, pas du tout. C'est que là, l'assureur est dans son droit en disant, écoutez, on comprend les situations et parfois, c'est d'autant mal vécu que parfois, les sinistres ne sont pas responsables. Vous avez des personnes qui ont été résiliées de la compagnie parce qu'au cours des 24 derniers mois, ils ont eu 5 accidents dont 3 non responsables. Ils ne sont pas responsables. Mais pour l'assureur, C'est une fréquence et nous avons chez nous un service de surveillance portefeuille qui a effectivement, dès lors que ça dépasse un certain nombre d'accidents, qui envoie un curseur au niveau de la direction d'assurance et stop, c'est assuré X, trop d'accidents. Et donc voilà, donc c'est la machine qui s'en passe. Parce qu'il faut quand même préciser qu'un sinistre non responsable pour quelqu'un, l'assureur paye quand même de l'autre côté. Non, donc oui, voilà, ça génère un coût. C'est-à-dire pour l'assuré, c'est non responsable. Lui, il dit, attends, ça coûte rien. Mais non, ça génère un coût. On peut souvent réparer sa voiture à lui, la voiture d'en face. Voilà, il y a... Enfin, la voiture d'en face, un peu moins, mais la voiture, voilà. Donc, ça génère un coût pour l'assurance. Bon, là, on parle de sinistre. Si l'assuré a fait des accidents, donc peut être donc exclu de sa compagnie. Mais alors, si on n'a pas fait d'accident, voilà, si on a eu quelques remorquages dans l'année, on peut être aussi exclu de sa compagnie d'assurance parce qu'on a fait appel au dépanneur deux ou trois fois dans l'année. Non, mais c'est pas la faute de la personne si la voiture est tombée en panne. Tout dépend. Vous avez des cas où les personnes, c'est des pneus crevés, batterie en usage. Faut vérifier. C'est comme ça dépend des situations. C'est-à-dire que là aussi, il faut comprendre la posture de l'assureur. Encore une fois, ne voyez pas une sanction de la part de l'assureur, mais surtout là-dessus de responsabiliser également l'assuré sur le fait qu'un véhicule doit être entretenu. C'est vrai que sur les 4 matins, l'assureur doit venir pour dépanner un véhicule sur la route du littoral parce que la batterie est tombée en panne. Oui, mais là, c'est quand même la faute du propriétaire. Encore faute de carburant. Il y a des conditions pour la mise en application de l'assistance, effectivement. Oui. Donc, on peut imaginer qu'un assuré est amené à résilier le contrat. C'est rarement le cas. C'est rarement le cas, il faut quand même le reconnaître. On est sur des résiliations pour sinistralité et non pas pour mise en action de la garantie assistance. L'assistance du véhicule. Nos experts en assurance reviennent juste après l'info de 11h sur la première. Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Plus d'un conducteur sur deux en faute, c'est le bilan pour le moins préoccupant des quelques 400 contrôles de gendarmerie réalisés ce week-end sur les routes de Lille. Les 27 gendarmes mobilisés sur ces opérations avaient pour mission de viser principalement les comportements irrespectueux des automobilistes qui peuvent provoquer des accidents graves. Les infractions relevées vont de l'alcoolémie au non-port de la ceinture en passant par la vitesse, le téléphone ou encore le non-respect de priorité. La cour d'assises de La Réunion repart sur une nouvelle session de 15 jours ce lundi. À partir de cet après-midi et jusqu'à demain, la cour jugera un fratricide. Dans le box des accusés, Nicolas Espel doit répondre du coup de feu mortel tiré dans le dos de son frère aîné, Patrick Fagnot. Un crime commis le 30 juin 2014 dans le quartier du Bas de la Rivière à Saint-Denis. Rappel des faits à midi avec Nadine Bachelot. Dans l'édition de la mi-journée, nous parlerons également de la fermeture à partir de ce matin du parking Océan dans le chef-lieu. La vaste zone située dans le bas de la rue du Maréchal Leclerc doit être inspectée car un diagnostic d'archéologie préventive doit être réalisé dans le cadre du projet d'aménagement urbain entrepris par la municipalité. L'inspection qui pourrait s'étendre sur plusieurs jours. En sport, du football, on jouait ce week-end la 12e journée du championnat de la Réunion de D1R avec un choc entre la Saint-Louisienne et la Jeunesse Saint-Pierroise qui s'est soldé par un match nul sur le score de 0-0, ce qui n'empêche pas la JSSP de conserver la tête du classement. Mais l'écart avec le deuxième se réduit puisque la Sainte-Marienne est allée s'imposer 1-0 sur le terrain du RC Saint-Benoît. Sainte-Marie qui n'est plus qu'à 5 longueurs de retard sur Saint-Pierre. Il s'appelle Mohamed Ali et est âgé d'une vingtaine d'années. Le jeune réunionnais défendra les couleurs de la France au championnat du monde de street workout dans un peu plus de 2 mois à Pékin. Le street workout est une discipline qui se pratique dans la rue, à mi-chemin entre la gymnastique et la musculation. Et puis à 12h15, juste après le journal de la rédaction de Réunion Première, C'est dans l'actu sera consacré ce midi à un sujet de société en rapport avec la journée mondiale de la contraception. Grossesse précoce, grossesse subie ou grossesse désirée? La question se pose à La Réunion où l'on compte en moyenne 7 fois plus d'accouchements chez les mineurs que dans l'Hexagone. Pour en parler, Philippe Dornier recevra Shanti Virakaoundin, l'animatrice de l'association Planning Familial, le docteur Nathalie Devouges, médecin de PMI et du centre de planification familiale de Saint-Denis, du Port et de Saint-Paul. Vos questions et vos réactions par téléphone au 0262 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000, également via Twitter avec le hashtag CDLAPremière et sur la page Facebook de l'émission C'est dans l'actu. Il est 11h et presque 3 minutes, on fait tout de suite un tour de l'actualité nationale et internationale avec France Info. Et c'est l'événement de la nuit prochaine aux États-Unis. Une heure et demie de débat télé entre Donald Trump et Hillary Clinton. Les deux candidats au coude à coude dans les sondages à un mois et demi de la présidentielle. Au cours de ce débat, il sera forcément question de la Syrie. Les États-Unis et la France, notamment, font pression sur la Russie pour mettre fin à la barbarie. Nouvelle réunion hier soir à l'ONU, à la ville d'Alep qui vit sous les bombardements les plus intenses qu'elle ait jamais connus d'après les humanitaires. Le déplacement de François Hollande à Calais, le chef de l'État est arrivé il y a une demi-heure, visite sur le thème des migrants. Le camp où vivent des milliers de personnes doit être démantelé et complètement, définitivement fermé, réaffirme le président de la République. François Hollande demande aussi aux Britanniques de prendre leur part. La moitié de la ville de Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône, 40 000 habitants plongés dans le noir hier soir, des lignes électriques coupées pour permettre l'évacuation de deux adolescents, de jeunes qui se sont hissés sur un pylône électrique à 10 mètres de hauteur. L'un d'eux souffre de brûlures conséquentes. En football, Marseille espère maintenant dépasser le numéro de son département au classement, l'OM 13e ce matin après sa victoire contre Nantes 2-1. Deuxième succès de la saison grâce à un but en fin de match de Bafé Gomis. France Info. La météo de ce lundi 26 septembre. Si ce matin le soleil était bien présent, et bien dans l'après-midi, nous serons sous les nuages, et particulièrement dans les hauts, idem dans les circuits aux volcans. Et puis selon les prévisionnistes de Météo France, de petites averses isolées pourraient arroser les montagnes du nord et de l'ouest, voire jusque sur la côte. Et puis beau temps sur les lagons de Saint-Gilles et de Saint-Pierre. Jusqu'à 11h30, les experts en assurance, James Huet, Isabelle Pongérard répondent à toutes vos questions. Comment choisir le contrat d'assurance? On s'est beaucoup arrêté tout à l'heure sur le contrat auto et moto, mais aussi on peut parler de l'assurance habitation, de votre maison. La compagnie a-t-elle le droit, notamment on peut revenir dessus, puisque si vous êtes dans ce genre de situation, on vous a radié de la compagnie d'assurance, vous ne comprenez pas, on peut là aussi répondre à toutes vos questions. Les démarches à faire pour s'assurer, les prix qui varient d'une compagnie à l'autre, et puis vos droits d'assurer et les devoirs de l'assureur. 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. And said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me? What you do? Look what you did to me. Oh, baby. I thought that you were someone who would do me right. Played me all along and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me? Since you're not around for me to tell you, baby, face to face, and this is what, and this retrouvons nos experts en assurance, Isabelle Pongérard et James Huvette sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Charles de Saint-Joseph. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous souhaitez parler de l'assurance décennale. Voilà, donc je vais faire les rénovations donc, sur une maison. Oui. L'artisan donc a abandonné le chantier à un moment parce que on n'était plus d'accord par rapport à la façon dont il travaillait. J'ai fait passer un expert donc qui a constaté pas mal de malfaçons dans la réalisation des travaux. De malfaçons, de défauts, etc. Oui. Voilà. Ouais. Mais comme il n'y a pas de PV de réception de chantier, je voudrais savoir donc ce que je peux faire par rapport à l'assurance décennale. Ouais. Bon, ça c'est plutôt un cas. C'est pas un cas isolé, hein, parce qu'on entend souvent ça, cette assurance décennale, etc. Pour répondre à Charles de Saint-Joseph, Isabelle Pongérard, James Huette. Alors au niveau de bonsoir Charles. C'est vrai que là-dessus, là, s'il n'y a pas de réception de chantier, on peut pas activer la garantie décennale. Ça c'est la, ça c'est le point bloquant. C'est comme là c'est prévu. Donc que vous dire de plus que apparemment est-ce que ce chantier ne peut pas être terminé? Donc c'est bien si j'ai bien compris. Vous êtes en conflit avec l'artisan. L'artisan, là je suis en procès avec lui. Ouais, ça. Parce que l'expert qui est passé a constaté pas mal de malfaçons. En plus, il a estimé qu'il y avait pour 15 000 euros de travaux. Non réalisé alors qu'il avait déjà été payé. Et lui, il voulait être payé la réception de chantier alors que le chantier n'était pas fini. Oui, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, Charles, vous savez que pour que la garantie décennale soit activée, il faut au moins que les travaux soient réalisés. Donc là, de toute façon, les travaux ne sont pas réalisés Les travaux déjà réalisés, de toute façon, sur les travaux déjà réalisés, il y a beaucoup de malfaçons. Mal réalisés. Il y a déjà des malfaçons. Voilà. Ouais. Voilà. Donc là-dessus, je pense qu'il faudrait peut-être vous rapprocher, parce qu'apparemment, le dossier est déjà entre les mains d'un avocat, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Je pense que là-dessus, ça pourra faire l'objet de l'action que mènera votre avocat à l'encontre de l'artisan. Alors, nous, on va répondre uniquement sur la partie assurance. C'est vrai que pour le déclenchement de la garantie, c'est la réception des travaux. Comme la réception n'y est pas, la garantie de ça ne peut pas être activée. Donc ça, c'est malheureusement, je ne peux des pas dire autre chose que ce qui est prévu par les textes. Hein. Je suis désolé. Hein. On est quand même quelques-uns à se retrouver dans ces situations-là. Et l'inconvénient, c'est que une fois que la personne a ses assurances et tout, pour nous, c'est OK. Mais après, c'est quand au bout d'un an, votre maison n'est toujours pas finie et que vous êtes obligé de payer. Charles, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que j'ai vécu la même situation. J'ai vécu la même situation, je peux vous dire la galère que c'était, à savoir d'avoir les garanties, de ne pas être en mesure de l'activer parce que les travaux ne sont pas réalisés ou mal réalisés. Donc ça, ce que vous vivez, je l'ai vécu, nous sommes à plusieurs effectivement d'avoir connu cette situation-là. Voilà, même si j'ai un constat d'huissier comme quoi le chantier est abandonné ou quoi que ce soit, voilà. Oui, on fait le constat, mais c'est juste après, qu'est-ce qu'on fait, quoi, c'est ça? Voilà, oui. Ouais. Et ça fait combien de temps que le chantier est arrêté, là? Ça va faire un an. Un an, ouh là là. C'est votre habitation principale, c'est ça? Bah oui, pour l'instant, je paye une maison plus un loyer. Vous payez une maison que... D'accord, ça fait un an que les travaux sont arrêtés. Ouais. Compliqué là. C'est là on est sur une action judiciaire. Je pense que il faudrait se rapprocher de son avocat pour mettre en place un référé. L'action judiciaire est en cours, mais pareil, voilà. L'action judiciaire elle dure. Non, mais vous avez un référé expertise. Je pense que l'expert judiciaire est déjà passé. Non. Moi je vais passer mon expert. Non, Charles, attendez. Je pense que là, vu l'urgence du moment, monsieur, je pense qu'il faut à un moment donné enclencher la vitesse supérieure et de se dire que ça y est, on a plus de possibilité d'avoir un accord avec l'artisan en face. Donc j'ai un avocat là-dessus, je vais demander un référé expertise, faire voir officiellement l'état de l'avancée des travaux, le faire contacter de façon contradictoire, c'est-à-dire qu'il est opposable également à l'artisan, parce que là votre expert est passé, il a évalué, donc il n'est pas opposable pour le moment à l'autre partie. Donc vous allez entamer la procédure de référé expertise et là l'avocat pourra bien vous conseiller sur les actions à mettre en place pour l'avenir. D'accord. Charles. Non, on va faire comme ça. Oui, je crois que c'est le. Non, mais le... je crois qu'il fait ça d'abord, et puis, mais c'est vrai que c'est embêtant, quoi. Ça fait un an que le. Mais bon, il y a plein de maisons dans ce cas-là. Hein. C'est garanti au niveau des artisans. Je sais pas qui devrait les prendre. Est-ce que c'est voilà, il y a pas garantie, et les artisans, l'avantage c'est que ils se réfugient. Il y a le je dis pas qu'ils sont tous véreux, loin de là, mais il y a des bons. Ils se réfugient derrière au cas où ils sont embêtés, ils ferment l'entreprise et basta, quoi. Non. Charles, merci beaucoup pour votre témoignage. Courage, oui, surtout. Merci. Et puis à bientôt sur Réunion Première. Merci à vous. Merci, c'est moi. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Rappelez-vous, Anouchka Pépin, gagnante de la saison 1 de Kid Créole sur Réunion Première. Aujourd'hui, découvrez Mon Étoile, son duo inédit avec Pixel. Une incroyable consécration pour la petite réunionnaise. Toi aussi, tu peux vivre ce rêve et enregistrer ton premier single produit par SS Kairon. Tu as entre 8 et 15 ans ? Inscris-toi sur le site kidcreole.re avant le 30 septembre et participe à la saison 2 de Kid Créole, le talent show Made in Réunion Première. Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Il reste un gros quart d'heure pour joindre Mathias au standard 2, la première, 02 62 99 2000, et puis par SMS au 06 92 70 2000. James Hewitt et Isabelle Pongera, est-ce qu'on peut quitter sa compagnie d'assurance à n'importe quel moment? Là, on est à 3 mois de la fin de l'année 2016. Si je souhaite quitter, est-ce que je dois attendre la date anniversaire ou je peux le faire là, en ce moment, cette semaine, demain, après-demain? Isabelle Pongérard. On peut quitter une compagnie d'assurance selon 3 critères. Il y a ou la loi Châtel, ou la résiliation échéance, non, ou la loi Hamon. La loi Hamon permet de quitter son assureur quand on veut, mais il faut qu'il y ait au moins 1 an d'ancienneté du contrat dans la compagnie. Au moins 1 an. D'accord. Si, oui, allez-y. Voilà. Et donc on peut rajouter, parce que la question c'est de se dire de quel type de contrat dont on parle. Parce que quand on parle de l'année civile, effectivement, on peut parler des contrats santé. Donc la résiliation peut se faire en respectant le préavis qui peut être d'un mois ou de 2 mois à voir auprès de votre assureur. Et normalement, la résiliation à l'échéance, on parle d'échéance, n'est pas liée à l'année civile. Hein. Un contrat peut se renouveler le 24 juillet. Et donc là, on doit faire sa lettre de résiliation 1 mois avant le 24. Donc, tout dépend du contrat. Donc, c'est bien. Ce qu'on appelle la date anniversaire du contrat. C'est la date anniversaire du contrat. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est la nouvelle compagnie qui va assurer donc cette personne qui ferait les démarches? Que, en fait, l'assuré n'a plus de démarches à faire, c'est vrai? Non. S'il résilie son contrat avec sa compagnie d'assurance, sa nouvelle compagnie ferait toutes les démarches. C'est vrai, ça? C'est de l'info, c'est de l'intox. Et je demande, alors, je demande aux auditeurs qui sont dans cette situation, si la nouvelle compagnie a fait les démarches à leur place, de réagir au 02 62 99 2000. James Hewitt. Oui. Alors. Il semblerait que c'est vrai. Hein. Uniquement dans le cadre de la procédure dite de loi Hamon. On est bien précis. Hamon. Donc, c'est la loi Hamon. C'est-à-dire que là-dessus, il y a une charge de plus pour l'assureur qui doit recueillir toutes les informations de son assuré, enfin du nouveau proposant, et à l'issue, faire un recommandé à l'autre compagnie pour ainsi mettre un terme au contrat. Généralement, la résiliation intervient 1 mois après le lancement du recommandé par la compagnie. Le nouvel assureur. Donc en fait, la nouvelle compagnie récupère le relevé d'information, fait toutes les démarches. Ouais, mais le relevé d'information, il est envoyé au souscripteur du contrat, à la compagnie. Oui. Donc par contre, il peut faire la démarche. C'est une démarche commerciale, c'est-à-dire qu'il dit au client, voilà, moi je vous propose tel tarif, vous êtes d'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait ensemble le courrier, vous rédigez le courrier, vous le signez, je m'occupe d'envoyer le recommandé, tout est à ma charge et vous restez chez moi. Ça lui évite que quand le client sort, il trouve pas la porte et il voit un autre assureur, il rentre et il demande un autre devis. Effectivement, commercialement parlant, pour la résiliation échéance, c'est ça. La loi Hamon, c'est différent, mais la résiliation échéance, c'est ça. Ça évite qu'en partant, il rappelle son assureur en disant, vous savez, j'ai rencontré un tel, il m'a proposé un autre tarif. Oula, oui, voilà, là, c'est déjà verrouillé, tout est fait, il ne change pas d'avis. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez faire jouer la concurrence aussi. Ne vous arrêtez pas sur une seule compagnie, sur un seul tarif, parce que les prix sont libres hein, d'une compagnie à l'autre. 02 62 99 2000, on part sur Sainte-Rose. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Yvon est avec nous. Bonjour Yvon. Bonjour. Merci d'être là. Alors, c'est pour parler de l'assurance. Voilà, vous avez le choix. Auto, moto ou habitation? Alors, plutôt santé. Est-ce que c'est parler santé? Ah, je l'ai pas proposé non plus. Alors, l'assurance maladie, en fait, c'est ça? Voilà, non, l'assurance maladie. C'est le? Assurance maladie. Assurance maladie. Alors, c'est d'accord, ça. Très bien. Allez-y, alors. Alors, m'explique à Zotte un petit peu, mais pense voir comprendre. Moi, alors, ne citez pas de compagnie, de oui, mutuelle. Parce que là, à l'heure actuelle, il parle avec Zotte, il retrouve moi assuré deux places. Donc, il risque. Ou l'assuré deux places. Alors, m'explique à Zotte. Alors, depuis l'année dernière, le gouvernement avait mis la loi en place pour les entreprises de l'assurance collective. L'assurance collective, c'est-à-dire oui. La mutuelle. Mm-hmm. La mutuelle. Les entreprises qui paient une partie ou paient une partie. Oui. Hein, pense que j'espère être au courant de ça. Oui, c'est oui, le point. Alors, oui, on voit. Voilà, on a souscrit à moi ça parce que notre directeur de structure la propose à nous. Bon, là, quelqu'un est venu concernant d'un assureur. Il s'avère que par rapport cette mutuelle nouveau que lui propose à nous, Manana est garantie un peu plus costaud par rapport à celle de l'ancienne que me l'était dedans. Oui. Alors, le souci aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, malin est avec ça, mal fait ma résiliation avec mon ancien mutuel, etc., envoyer le courrier du président de la structure, la résiliation, et le pourquoi mal a résilié, etc., parce que la loi, il demande maintenant les entreprises de mettre une mutuelle collective. Alors, aujourd'hui, me retrouve à moi avec ce mutuel ancien, bon, il pourra dire comme ça, hein, que lui demande à moi que je ne peux pas quitter, parce qu'il faut m'y attendre la date d'anniversaire. Et le souci aujourd'hui, c'est que l'autre mutuelle l'a financé à moi aussi. Et là, il dit qu'il faut faire, c'est-à-dire, m'y envoyer aux autres, je te demande à moi des papiers comme quoi que m'a résilié le courrier du patron, m'a envoyé aux autres en deux fois, sous lettre commandée, je leur envoie à moi un autre courrier, puis en disant à moi comme ça, oui, mais il ne peut pas résilier à moi comme ça, il faut attendre la date de l'anniversaire l'année prochaine. Et là, il pose à moi la question, quelle loi il applique là, et il ne connaît pas quelle Saint-Foy dorée, quoi. Donc, il souhaite avoir. Vous avez deux contrats d'assurance, alors c'est ça? Ben voilà, maintenant l'ancienne qui veut parler à moi, et maintenant le nouveau, la fille inscrite à moi, ma fille adhérée, quoi. Oui, très bien. Vous avez tous les renseignements, nos experts. Isabelle Pongérard et James Suet, oui, allez-y. D'accord, Isabelle merci. Pongérard. Alors, moi j'ai une question. Le contrat groupe que vous avez souscrit avec votre entreprise, il est à effet de quand? Depuis le mois de juin, là. Au mois de juin, vous l'avez souscrit? Oui, mois de juin. D'accord. Et votre contrat santé à vous, individuel, c'était quand la date d'échéance? La date d'échéance, c'était 1er janvier 2000. Voilà, c'est pour ça. Janvier, quoi. Voilà, c'est-à-dire que les contrats groupes, il y a certaines compagnies, ils s'imposent à certaines compagnies, mais on n'est pas, ils ne sont pas dans l'obligation de résilier votre contrat individuel. C'est-à-dire que vous devez quand même respecter le délai. On pouvait faire un contrat groupe à partir du 1er janvier, pour que la date soit plus compréhensible. Si vous avez souscrit un contrat groupe à effet du 1er janvier, parce que votre employeur a souscrit et vous demande d'intégrer, vous avez la possibilité de l'intégrer et demander la résiliation à votre assureur individuel. Mais votre assureur individuel, il peut vous opposer que vous ne l'avez pas fait deux mois avant. Il a la possibilité de refuser. Beaucoup de mutuelles, beaucoup de compagnies ont joué le jeu et ont résilié les contrats individuels, oui, mais il y en oui, a oui, qui refusent. Excusez-moi de vous interrompre, parce que je vous approuve, parce que j'ai des collègues que les mutuelles n'ont pas eu de problème, ils sont résiliés tranquillement. Oui, c'est ça, oui. Ils ont adhéré le nouveau, quoi. Donc là, ce qu'ils vous proposent, c'est d'attendre l'année prochaine et à l'échéance de votre contrat. Depuis maintenant, vous devez demander la résiliation à échéance de votre contrat. D'accord. Donc ça, c'est fait. Vous avez acté la résiliation. Oui, il est déjà fait. Voilà. Déjà fait. Et vous pouvez, maintenant demander à votre employeur, c'est possible, comme vous avez un refus qui vous est opposé, de vous soustraire du contrat groupe et de souscrire que l'année prochaine. D'accord. Parce que en plus pour le prix que j'ai payé avant et avec actuel, il y a rien à voir. Et avec les garanties que j'ai là en ce moment. C'est beaucoup plus intéressant effectivement les contrats groupes puisque vous avez une partie qui est prise en charge par l'employeur. Pour vous dire de passer à 50 euros à 120 euros, alors là. Ah, un, un, Oui, parfois c'est vrai que ça a pas mal de surprises quoi. Oui. Donc alors du coup c'est bon, vous pouvez suivre un petit peu les renseignements. Donc, il faudrait attendre, alors, il reste quoi là, octobre, novembre, décembre et puis voilà. Il faut voir l'échéance principale. Voilà, il faut vous renseigner sur l'échéance principale de votre contrat. Par contre, si vous avez d'autres contrats, si vous n'avez pas que la mutuelle là où vous êtes assuré, si vous avez d'autres contrats. Vous pouvez quand même aller discuter avec eux, hein, parce que c'est pas parce qu'on vous a opposé un refus par courrier que ça, il n'y a pas possibilité d'aller les rencontrer et de discuter, de leur dire, écoutez, pour moi c'est plus intéressant la mutuelle, ça ne veut pas dire que je vais partir pour l'auto, la MRH, je m'en vais pour la mutuelle parce que ça m'est proposé par mon employeur, mais je n'ai rien contre vos offres, rien contre votre accueil, tout me plaît. Parce que dans le courrier qui m'envoyait, hein, bon, il expliquait les lois et à je sais pas quoi, et à je sais pas quoi, il faut attendre la date d'anniversaire. Oui, c'est ça, qu'ils avaient la possibilité de vous opposer un refus sur les deux mois. Mais un courrier, c'est une lettre automatique. C'est quelque chose qui est un peu impersonnel. Vous pouvez vous rendre chez votre assureur, voir votre conseiller et lui expliquer. Au niveau du conseiller lui-même, il n'a peut-être pas le pouvoir d'accepter votre résiliation, mais vous pouvez lui demander de voir au-dessus. Et s'il ne peut pas, n'oubliez pas, chaque compagnie a un service réclamation qui est à disposition des conseillers, des assurés, où vous pouvez faire un courrier et essayer de vous faire entendre. D'accord, impeccable, merci beaucoup. Voilà. Ah ben merci à vous surtout. Au revoir, bonne journée à vous. Au revoir, bonne journée. Très bientôt. Il reste 5 minutes, pas plus, pour réagir au standard de la première, 02 62 99 2000, pour retrouver les experts en assurance. Prime Sparolier, yeah. L'amour ça repart, parfois ça nous quitte. J'assume tous mes pas, car seul Dieu nous guide. Et quand on se parle, l'histoire est écrite. Ne me remercie pas, t'inquiète, on est quitte. La rue m'a fait vivre, mais la rue m'a dégoûté. L'école m'a fait lire, mais l'école m'a fait douter. Maman m'a appris que l'argent n'est pas une fin en soi. Que vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. On m'a dit ne te rate pas, y'a personne qui m'aide. J'aime pas le rap, moi c'est le rap qui m'aime. Il m'a rendu au centuple tout ce que je lui donne. Et parfois quand je ne chante plus, c'est là que je m'isole. Et je n'ai pas d'idole, à part le plus grand, à part mon créateur, plus j'en parle, plus j'en tremble. Plus rien ne me tente, à part quelques doutes que je promène. On se ressemble, appelle-moi Youss, on se connaît. Tant d'années, Youss, on se connaît. Tant d'années, Youss, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non, je peux pas t'oublier. Les stars, ça décline, un jour on les remplace. Les foules sont anonymes et un jour on les embrasse. La pression domine, personne n'est à ma place. J'ai pas de pseudonyme, Youssoufa c'est mon vrai blaze. J'ai un label qui monte, tant pis pour la critique. Et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Le but de ma musique, du rap que j'expose, c'était de rester authentique, pas de rester pauvre. Prouve que tu luttes, prouve que t'exultes. Prouve que le but c'est briser les cœurs bruts. Ils veulent qu'on se bute, attendent les erreurs que l'on commet. On se ressemble, appelle-moi Youss, on se connaît. Tant d'années, Youss, on se connaît. Tant d'années, Youss, on se connaît. J'peux pas t'oublier, non. J'peux pas t'oublier, non. Tant d'années, Youss, on se connaît. Tant d'années, Youss, on se connaît. J'peux pas t'oublier, non. J'peux pas t'oublier. La la la la. Pour le meilleur, je réalise que les mêmes rêves nous font et nous rassemblent. Il y a de l'amour dans mes paroles. Tu chantes avec moi et je m'envole. Tu te retrouves en moi, je sais qu'on se ressemble. Tu bouges la tête sur la musique, le temps s'arrête, c'est magique. C'est là toute l'histoire de ma vie et tu la connais, on se connaît. Un autre pas vers l'avenir. Je t'invite encore à me suivre. On se connaît, oh, oh. Et je sais qu'on se ressemble. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pour les experts en assurance, nous allons retrouver dans quelques secondes André de Saint-Paul. 10h midi, les experts avec Claude Montané. André, bonjour. Bonjour. Alors, nos experts, on s'était parlé il y a quelques semaines, c'est ça. Oui. Isabelle Pangera était avec nous, James Hewlett également, et vous nous avez raconté un peu votre galère, c'est-à-dire en fait, votre compagnie a résilié votre contrat. Oui, voilà. C'est ça. Donc du coup, vous êtes allé chercher d'autres compagnies. Oui. Ça a été facile ou pas ? Ça a été la galère pour trouver d'autres compagnies pour vous assurer. Oui. Vous avez fait le tour des compagnies, sans citer de nom. Ouais. Oui, Mala fait le tour des compagnies. Ouais. Et après, le souci, c'est que soit il était plus cher que mon contrat, que Mala avait. Voilà. Ou, Zoti enlève des choses dessus. Et après, là, en fin de compte, là, Mala trouve une compagnie, mais... Là encore un petit peu embêtant parce que il a pas envoyé ma vignette déjà. Oui. Et aussi elle est difficile pour avoir elle au téléphone pour de plus en renseignements. Il faut que m'y déplace à moi tout le temps. Alors est-ce que c'est une compagnie ou alors un courtier ? C'est une compagnie. C'est une compagnie d'assurance. On ne cite pas de nom. On est bien d'accord. Donc là du coup vous n'avez toujours pas. Alors vous êtes assuré oui ou non ? Oui, mais ma femme n'a pas de vignette. Bon, alors vous roulez avec votre voiture ou pas ? Oui. Non ? Oui ? Sans vignette ? Non, parce que j'ai toujours mon assurance que depuis... j'étais résiliée, mais le contrat n'est pas terminé. Ça termine dans le mois prochain. Dans le mois prochain. Isabelle Pongérard, elle précise bien qu'elle a... Oui. Donc non, mais c'est juste le fait que on galère un peu pour trouver une autre compagnie, quoi. Oui. Si la compagnie a résilié son contrat. Oui, effectivement, quand on a été résilié par une compagnie, pour retrouver une nouvelle compagnie d'assurance, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça, généralement, on passe par des courtiers qui peuvent vous orienter sur les compagnies qui prennent les risques aggravés, on va dire. Oui. Et par contre, pour votre contrat, un conseil. Partez jamais sans avoir eu votre contrat d'assurance et votre carte verte de chez l'assureur. D'accord, on va vous l'envoyer par courrier, d'accord, peut-être. Mais un contrat d'assurance, c'est un accord entre vous et l'intermédiaire qui est en face. La personne qui est en face, il s'engage et vous vous engagez. Donc, votre contrat, vous le récupérez, vous le signez. Vous avez votre carte verte, vous avez tout de suite. Sauf si, effectivement, vous avez des pièces à transmettre, etc., parce que c'est une ébauche et que ça doit se conclure. Mais si on vous dit que votre contrat est fait, que vous êtes assuré, la personne doit être à même de pouvoir vous communiquer tous vos documents quand vous sortez du bureau. Sinon, c'est que c'est un courtier et que là, effectivement, il envoie les pièces à la compagnie qui elle-même va vérifier et valider le contrat et l'envoyer par courrier. Après, elle vous donne un rendez-vous. Donc, normalement, elle doit vous donner un délai, vous dire le temps de transmission des données, etc. Dans un mois, on se donne rendez-vous puisque votre échéance de votre contrat est encore dans un mois et demi, donc vous pouvez rouler. Oui. Mais surtout, ne prenez pas la route sans avoir eu votre carte verte et votre contrat d'assurance. Ça, je suis au courant, oui. Mais c'est difficile, hein. C'est très difficile, c'est la galère. Ah oui. Si on n'en est plus assuré, allez en chercher une autre. Après, James Hewlett, on entend parler des gens qui s'assurent avec une compagnie en métropole. Oui, il est possible. Vous avez ça arrive aussi. Oui, ça peut se produire. Vous avez certains courtiers qui sont spécialisés sur certaines compagnies dont le siège se trouve sur la métropole, voire en Europe. Pas forcément sur la métropole. Aujourd'hui, d'accord. Marché européen. La personne est capable de récupérer une compagnie qui se trouve dans les pays limitrophes de l'ex-URSS. C'est possible, ça. C'est possible. Donc, dès lors que c'est la législation européenne qui est applicable. Pour revenir à André, parce qu'elle est inquiète, André, je pense que le conseil que je pourrais vous donner également, en complément de ce que vient de dire Isabelle, est une bonne démonstration, c'est que vous devez revoir votre conseiller là, auprès de la compagnie pour lui dire que finalement, je suis un peu inquiète, j'aimerais que vous puissiez me confirmer que ma garantie sera bien activée dès lors que le contrat de mon ancien assureur arrive à terme. Je pense que c'est un retour. Bon, peut-être qu'au téléphone, c'est saturé. Mais là, c'est pour éviter d'avoir, ne pas avoir de garantie, et donc, effectivement, d'être surpris de rouler sans assurance. Donc voilà, retenez l'assurance. Voilà. Est-ce que déjà vous avez donné un moyen de paiement ? Est-ce que vous avez donné une partie de prime ? Oui, tout est. tout a été fait, mais... D'accord, parce que normalement, elle vous donne également, il y a la possibilité, la personne peut vous donner une note de couverture ou une carte verte provisoire. Donc, il faut vraiment vous rapprocher de votre conseiller. Voilà. Il y a peut-être, voilà. Non, je vais me déplacer. Oui, c'est ça. À elle, et midi à elle. Ben, s'il ne lui donne pas moi, s'il a un souci, ben, je vais chercher un autre compagnie. Voilà. Oui, mais vous avez déjà galéré, hein, donc... ben, c'est pas... Oui, oui, c'est vrai, mais bon. Ouais. Bon, mais alors... Mais repartez la voix. Avec le sourire, il faut dire que je vais trouver... Oui, ouais. Je sais que c'est pas simple, d'accord ? Oui, c'est pas simple, c'est vrai, c'est pas simple. André, merci à vous. À bientôt sur Réunion Première. Voilà, merci beaucoup. Vous retrouverez nos experts, évidemment, dans quelques semaines sur Réunion Première. Je remercie Isabelle Bongérard de la Prudence Créole. Je remercie également James Huette de l'assurance, de l'association donc, de l'assurance générale de prévoyance militaire. Merci beaucoup les experts. À très bientôt sur Réunion Première. Merci encore. 10h midi, les experts avec Claude Montané. When I close my eyes, I remember that kiss. keep them wide open. And if I miss the train, do you really think that even here I'd be closer to you? So here I am, leaving soon, and I'm standing D22, cause whatever you may think I forgot, you know I'm still thinking about it. Dreams are much chased down, but sometimes I bite off more than I can chew. I know you like to keep me near, I know it's easier to be two, but I can't plan my life all around you. I'm weaker than I'll let you know, so don't ask me to jump this wall. Pretend just then to believe you. I'll send you postcards for a few weeks and then another perfect moment at the wrong time, but the timing is always wrong. Here I am. Dans l'actu à 12h15 avec Philippe Dernier sur les grossesses précoces subies ou désirées à l'occasion de la journée mondiale de la contraception. Zoom tout à l'heure donc sur le nombre très élevé d'accouchements chez les mineurs dans le département, 7 fois plus qu'en métropole et en proportion, et pourtant le recours à l'IVG des moins de 18 ans a doublé ces dernières années. Vous réagissez tout à l'heure de 12h15 à 12h45 dans C'est dans l'actu sur Réunion Première au 02 62 99 2000. J'ai besoin d'oxygène encore à la semaine prochaine. Si le vent te ramène, j'ai pris froid hier. J'ai attendu des heures entières à marcher sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je sais qu'on se reverra avant l'hiver. pour que tu te souviennes. À l'amour, à la haine. Tes envies d'ailleurs, propager le feu dans les cœurs et courir sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Première, le ségatier Jean-Roland Miquel. Radio Ménage. Allez, hier soir, on m'a fait un cauchemar. Ben, m'a révélé un chien des têtes de codier, moi. De toute façon, même si m'étais un chien, moi, tu viens pas manger ou te manger. Allez, quoi? Tiens, si c'est le praline, et là, tu me donnes le pistache pour manger? Ah, ben oui. Radio Ménage. J'aime sur l'encre, ben, couche mon tête, chien, là, s'il vous plaît. Du lundi au vendredi à 9h15 et 19h20 sur Réunion Première. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors, on met la clim. La clim bruyante. Et chère. Très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Première. Première. Si tu aimes ces gars, viens constater là. Où nous mettre la faille, nous va chanter quand les bons, les bons. Dès qu'on ouvre l'ambiance, allez bien fait mettre la cadence. On va mettre la gaffe tant que les doses font les bons, les bons. Si toi tu aimes ces gars, viens constater à là. Pour nous mettre la faille, nous va chanter quand les bons, les bons. Dès qu'on ouvre l'ambiance, allez bien fait mettre la cadence. On va mettre la gaffe tant que les doses font les bons, les bons. Conspiration, la vie a va couler. Fièvre 40 degrés, n'a fait monter. N'a secoué, tant que la caprine va lever. Assois la fête au village des autres dans la cage. Tes souliers mettent à terre, bien la grande le café. Au déguet de ma tante Rita, lui mène la pose pour craser. Tes souliers mettent à terre, bien la grande le café. Donne les lampes pour bien défouler, maintenant qu'on l'a passé. Tes souliers mettent à terre. Bien à quand nous avons bon. Où t'es ma tante Rita, il met la pose pour croiser. Et souliers mettent à terre. Bien à quand nous avons bon. Donnez l'an pour bien défouler, maintenant qu'on l'a passé. Au des guettes, ma tante Rita lui met la pose pour craser. Ses souliers mettent à terre, bien n'a qu'à le savoir. Un élan pour bien défouler, mettre ton col à passer. Septième Sega, viens constater là. Pour nous mettre la faille, nous va chanter quand les bons, les bons. Dans un grand mouvement l'ambiance, allez bien fait mettre la cadence. Nous va mettre la gamme tant que les doses quand les bons, les bons. Septième Sega, viens constater là. Pour nous mettre la faille, nous va chanter quand les bons, les bons. Dans un grand mouvement l'ambiance. Fais pas de la cadence. Nous va mettre la gamme tant que les doses quand les bons, les bons. Conspiration, la CIA frappe, va couler. La fièvre 40 degrés, la fait monter. La secrète, tant que la caprine va lever. Assois la fête au village des gens dans la cave. Ses souliers mettent à terre, bien la grande le savait. Au déguet de ma tante Rita, lui met la pose pour craser. Ses souliers mettent à terre, bien à quand le savoir. Dans les lampes pour bien défouler, mettre quand la passer. Ses souliers mettent à terre, bien à quand le savoir. Au déguet de ma tante Rita, il met la pose pour craser. Ses souliers mettent à terre, bien à quand le savoir. Dans les lampes pour bien défouler, mettre quand la passer. Ses souliers mettent à terre. Au ticket de ma tante Rita, lui mettre la pose pour craser. Ses souliers mettent à terre, bien à quand le savoir. Donne les lampes pour bien défouler, mettre quand la passer. Ses souliers mettent à terre, bien à quand le savoir. Au ticket de ma tante Rita, il met la pose pour craser. Ses souliers mettent à terre, bien à quand le savoir. Donne les lampes pour bien défouler, mettre quand la passer. Au déguet de ma tante Rita, lui met la pose pour craser. Ses souliers mettent à terre, bien à quand le savoir. Donne les lampes pour bien défouler, mettre à quand la passer. Merci d'écouter Réunion Première, il est 11h52, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Madame Zite Joseph Ariste, née Zite Marie Sylvia Dite Simone, originaire de Petite France. Décès de Madame Zite Joseph Ariste, née Zite. Décès survenu à Belmen à l'âge de 93 ans. Le convoi sortira de chez sa fille, Madame Marie-Catan Marcel, au 38 chemin pavé. L'Union, donc à Belmen, Saint-Paul. La bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Famille à Belmen à 14h30 et l'inhumation au cimetière de l'étang Saint-Paul. Décès de Monsieur Clorat. Clorat Laurent Jean-Eddy, Monsieur Clorat Laurent Jean-Eddy, décès survenu à Trignac en Loire-Atlantique à l'âge de 36 ans. Le convoi sortira du 38 chemin Tour des Roches à la Grande Fontaine aujourd'hui à 15h. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Paul à 16h, suivi de l'inhumation au cimetière marin de Saint-Paul. Décès de Monsieur Amourdom Denis. Monsieur Amourdom Denis, décès survenu à l'âge de 67 ans. Le convoi sortira du 204 chemin Bois Rouge à la Bretagne à Sainte-Clotilde aujourd'hui lundi 26 septembre à 15h. La cérémonie religieuse se fera au domicile à 13h, suivie de la crémation au centre funéraire de Prima à 16h. Décès de Madame Lérivain Raffaella. Madame Lérivain Raffaella, décès survenu à l'âge de 85 ans. Le convoi sortira de l'hôpital Gabriel Martin à Saint-Paul aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Yves-du-Port. L'inhumation aura lieu au cimetière paysager du Port. Décès de Mathieu Donc, Madame Roger Lina Marie-Cécile Né-Legros. Décès de Madame Roger Lina Marie-Cécile Né-Legros. Décès survenu à l'âge de 91 ans. La veillée se fait au centre funéraire de Prima. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Monsieur Louis-Paul Baudouin. Monsieur Louis-Paul Baudouin, décès survenu à l'âge de 62 ans. Le convoi sortira de le PSMR de Brafusi à Saint-Benoît aujourd'hui à 13h30 pour la bénédiction et l'inhumation au cimetière paysager du Port. Décès de Monsieur Béton Alain. Monsieur Béton Alain, décès survenu à l'âge de 66 ans. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima aujourd'hui à 13h30. La bénédiction aura lieu au centre funéraire de Prima à 14h, suivi de l'inhumation au cimetière de Prima. décès de Monsieur Robert Gislin. Monsieur Robert Gislin, décès survenu à l'âge de 70 ans. Le convoi sortira donc une fois que nous aurons la date et l'heure des obsèques, et ça sera précisé ultérieurement. Décès de Madame Arcadie Marie-Lucienne, dite Julia, née Vingada Salom. Madame Arcadie Marie-Lucienne, dite Julie, née Vingada Salom. Décès survenu à l'âge de 66 ans. Le convoi sortira de son domicile au 4 chemin des Citrines, à Boisneuf-le-Coco, aujourd'hui lundi 26, à 14h du domicile. La bénédiction aura lieu à 15h en l'église du centre-ville de Saint-Louis, et puis l'inhumation au cimetière du même lieu. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. La 6 Réunion informe ses abonnés de la commune de Saint-Leu que suite à des travaux de maintenance de la Saphir sur la conduite de Bratsilaos, la distribution en eau sera perturbée, voire interrompue pour mercredi. Donc nous serons le 28 septembre sur les secteurs suivants. Le secteur du Portail, la ZAC Portail, le secteur de la Pointe aux Selles Léo, secteur de Stella, le secteur de Madurand, la ZAC Foracho, lotissement Le Lièvre, lotissement des Pêcheurs et le lotissement Ticanal. Le FF, cet établissement français du sang qui vous donne rendez-vous pour demain mardi 27 septembre, notamment pour les collectes de sang à la gare routière de Saint-André, c'est de 8h30 à 13h, et à la mairie de Saint-Joseph, toujours demain, de 8h30 à 12h30. Les Pointer Sisters, souvenirs sur la première. Ne manquez pas ce soir l'émission Devant la Réunion avec Gaël Le Tanta qui reçoit le maire de Bras-Panon, donc Daniel Gontier, de 18h15 jusqu'à 19h. Et puis on reviendra sur l'éviction de la directrice du Parc National de la Réunion, son président qui doit affronter en même temps le colonialisme du ministère et la fronde de Didier Robert contre le parc. Maire, donc les Républicains de Bras-Panon, n'oubliez pas ce rendez-vous 18h15, 19h sur Réunion Première. Très bon appétit à tous sur Réunion Première, il est midi. Le journal Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. C'est la journée mondiale de la contraception. À cette occasion, de nombreuses actions de prévention sont organisées à La Réunion, qui compte encore aujourd'hui 7 fois plus de grossesses précoces que la moyenne nationale. Explication dans ce journal. Les grossesses précoces, on en parlera aussi juste après cette édition avec Philippe Dornier. C'est dans l'actu, sera consacré aux grossesses précoces à 12h15. À la cour d'assises, c'est reparti pour 2 semaines d'audience. L'examen de la première affaire débutera cet après-midi. Il s'agit d'un fratricide. Nicolas Espel est jugé pour avoir tué son frère d'un coup de fusil. C'était dans le bas de la rivière à Saint-Denis en juin 2014. Dans cette édition, zoom sur le parking Océan à Saint-Denis. Il est fermé depuis ce matin et pour plusieurs jours afin de réaliser un diagnostic d'archéologie préventive. On vous dira pourquoi. Bienvenue sur Réunion Première. Nous sommes le 26 septembre, c'est la journée mondiale de la contraception, l'occasion de mener de nombreuses actions de sensibilisation dans notre département. Pourquoi utiliser des contraceptifs? Quel est le moyen le plus adapté parmi tous ceux qui existent? Les questions sont nombreuses, chez les jeunes filles surtout. Sur l'île, les grossesses précoces sont en moyenne 7 fois plus élevées qu'en métropole. On fait le point avec Johan Adamadorassi. Préservatifs, pilules, implants, patchs, les moyens de contraception...